Allez, ce soir, on file tous au gadu. Le ciel est clair, la lune est belle. Avec Tintin, on va tracer la dune, fixant des yeux les étincelles. Et chacun serra dans sa paluche un mix rhum, pastaga, carotte. Un truc à se faire péter la ruche, à partager avec tous ses potes. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. La descente sur la petite plage, c'est une histoire de glissade. La force G, faut la dompter. Quand les étoiles se mettent à danser, le gars du R a ses dangers. Des gringolades et vols planés, à qui le message sous tes sons. Un hélico et puis s'en vaut. C'est Gadu dédique à flanc de falaise, le feu crépite. C'est Gadu dédique, les ombres dansent sur le granit. Les dents pliées avec rage, écorche la roche initiatique. Au fond de la crique, tu fais naufrage. Un gars du R, ça se mérite. Et puis tu pars à la rencontre des bandes jasées de leur lumière. Tu phosphores dans le plancton, tes ailes scintillent dans la mer. C'est Gadu dédique à flanc de falaise, le feu crépite. C'est Gadu. Gadu dédique, les ombres dansent sur le granit. Fais droit sur la sononico. T'exploses tes tongs, c'est pas de verre. Dans la remontée, le feu dans le dos. Les pieds griffés, noirs et meurtris. Stigmate un instant suspendu. Désormais tu feras partie de la confrérie du Gadu. C'est Gadu. Gadu dédique à flanc de falaise, le feu crépite. C'est Gadu. Gadu dédique, les ombres dansent sur le granit.